Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères une patate du gauche ou un crochet du droit? Oh, c'est technique. Je pense une patate du gauche. Une patate du gauche, okay. Ouais, ça mais... doit faire moins mal. Ouh, c'est pas sûr. Ça dépend. Après, on sait que tu préfères, c'est Tom Cruise. Tom Cruise. I feel the need. First thing, I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being! Respect the cock. I'm a Vietnam veteran! Thank you, man, does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 13, si je dis pas de bêtises, c'est la saison 2 qui a commencé déjà depuis deux semaines. On vous parle des films des années 90, comme d'habitude, on les regarde, on en parle un petit peu et on avance petit à petit pour découvrir un petit peu le mythe Tom Cruise, la statue Tom Cruise, le monument, l'éternel, je ne sais pas. Hollywood. Et du coup, nous allons parler aujourd'hui du film Far and Away. C'est bien prononcé ouais. Ça, ce ouais. Ça, c'est Far and Away. Away. Ou Horizon Lointain, en français. D'ailleurs, je me suis demandé, la traduction, Far and Away, tu dis quoi, loin et lointain? C'est bizarre. Bah, on a eu cette discussion avec aussi mon copain, mon amoureux, et on disait loin et éloigné. Ouais, loin bizarre. Et... Bref, du coup, en français, Horizon Lointain, ça va à peu près. Ça va. Donc, c'est un film qui est sorti en 1992, réalisé par Ron Howard, où Tom Cruise joue le rôle de Joseph Donnelly. Alors, du coup, pour démarrer, comme d'hab, Serena, est-ce que tu l'avais déjà vu, ce film? Eh bien, oui! Oh yes, ça y est! Oh là là! C'est des cotillons partout, c'est la fête, là. C'est génial! Oui. Bah, c'est super! Bah, en réalité, je m'explique un peu mieux. Je l'ai vu très jeune. Ouais. Je me rappelle, à la télé italienne, avec ma maman, elle le regardait, je le regardais avec elle. Je pense que je me suis endormie au bout d'une heure, une heure oui, et demie. Oui, c'est long. C'est long. Ouais, deux heures et demie. Mais je me rappelais très bien de la scène dans la chambre. Ça m'était resté d'accord. Dans l'esprit. Okay. Voilà. Et j'avais pas trop envie de le revoir, si je dois dire. Je m'attendais à une grosse bouse. Ouais. Voilà. Ah, Patty. Et toi? Moi, je l'avais jamais vu. Ah. Et j'étais un peu inquiet. J'ai vu 2h30, Ron Howard. Je me suis dit, si c'est chiant, ça va être long, quoi. Mais après, je me dis, bon, au pire, il y a Tom Cruise, il y a Nicole Kidman. Pourquoi pas? Et ouais, pourquoi et, pas? Oui, pourquoi pas? Et du coup, j'ai envie de dire maintenant, c'est parti. Un petit résumé. Yeah. Alors, on est en 1892, en Irlande, dans l'Irlande de l'Ouest. Ils disent Western Ireland. Bon, okay. Irlande de l'Ouest. Et on découvre tout de suite que les fermiers opprimés se rebellent contre les loyers des propriétaires, sûrement anglais, méchants. Oui, méchants. Méchants. Des lords anglais. D'anglais. Les lords d'anglais. Et on commence le film dans une taverne. Bonjour les clichés. Oui, ben c'est le premier cliché d'une longue ligne. La taverne, c'est de ces Irlandais, ils boivent des bières. Il y a un propriétaire anglais qui arrive. Tout le monde commence à lui créer des sauts, à bagarrer, il lui lance des pierres. Et là, bam, on comprend pas trop, mais il y a une grosse pierre qui tombe. Il tombe sur la gueule d'un mec qui se retrouve un peu mourant. Il s'appelle Joe. Et dit, je veux voir mes enfants. C'est vrai. C'est bluffant, je m'y crois. Tu vois, là, la scène. Voilà, c'est... Wow. Donc, on amène Joe voir ses enfants et on retrouve Tom Cruise, Joseph Donnelly. Les deux autres, ils s'appellent, genre, ils sont deux cons un peu. Ils s'appellent... c'est branleurs. C'est des Irlandais branleurs. Et Paddy. Et donc, ils sont en train de travailler la terre. Tom Cruise, il est un peu en mode, je mets des algues fertilisantes, je fais pour la terre, c'est trop important. Et les deux autres, ils se moquent de lui, quoi. Oui, alors qu'à la ferme, elle n'a pas l'air très, très productive. Ça a l'air un peu... C'est au flanc de falaise. Enfin, c'est l'air cata, un peu. En tout cas, il se bagarre. Les pères mourants arrivent. Oh mon Dieu, le père est mort. Et il est en train de mourir. Il se retrouve au lit des morts. Le père, il meurt. Tom, il pleure. Les autres, ils disent, oh merde, on a plein de dettes. Comment on va faire? Il dit, ah, c'est comme ça. Les pères, ils se réveillent. Il n'est pas mort. Et après, Irène meurt. Bim. Ça, c'est la petite blague du début. Ouais, bah, ça fait bizarre quand même. Au démarrage, tu te dis, ah oui, d'accord, on va se la jouer comme ça, pas sérieux. Bon, bref. Bref. Enterrement, ils amènent le père dans le cercueil, voilà, merci. Et il y arrive, les huissiers du propriétaire arrivent et disent, vous êtes plein de dettes, vous n'avez pas payé votre loyer, qu'est-ce qu'on va faire? On brûle votre maison. Pif, pouf. C'est une logique anglaise, hein, faut pas chercher. Tom Cruise. Bon, je l'appellerai toujours Tom Cruise. Oui, hein. Comme d'hab. Tom Cruise est très énervé. Il veut sa vengeance. Il dit, je vais tuer le propriétaire qui s'appelle Daniel Christie. Un salaud d'anglais. Il s'est fait prêter un vieux fusil par un copain. Oui, qui n'a pas l'air de marcher ouf. Il part en âne à la vengeance. Donc, oui. paysage, Irlande, très long, falaise. Et encore, il nous écoute un peu le truc. Voilà. On se retrouve dans une taverne. Allez, deuxième taverne. Il boit une bière. Il y a un gentil papy qui rentre à un moment donné habillé en rouge avec une barbe blanche. On dirait c'est Père Noël. Il dit whisky pour tout le monde. Tout le monde dit ah, ça, on vous aime. Hein? Comment il s'appelle? C'est Daniel Christie. Le méchant propriétaire. Qui commence à parler à Tom et lui dit qu'est-ce que tu fais là, blablabla, je te comprends. Et il commence à devenir un peu ami. Il sympathise, oui. Il sympathise. Tom, il le suit, il est complètement pété. Et, Daniel Christie, il est pété, il est bourré. Il rentre chez lui un peu en zigzag. Tom le suit avec son fusil, il veut le tuer. Il arrive chez lui, il a une énorme baraque, genre un château. C'est le domaine anglais. Tom Cruise, il a dit, quoi? C'est quoi? C'est son maison, ça? Il est choqué. Il décide de dormir dans l'étable et de le tuer, j'imagine, le lendemain. Qui rentre le lendemain matin dans l'étable? Shannon! Nicole Kidman! Super belle, qui est la fille, on comprend qu'elle est la fille rebelle, oui, de Daniel Christie, qui adore les chevaux, elle adore aller à cheval comme elle veut. J'imagine qu'elle ne va pas à l'Amazon. Qu'elle va avec... En Amazon. Voilà, elle va, oui, en Amazon et elle va pas avec les jambes sur, oui, les côtés. Voilà, bon. C'était un point très technique. Très technique. Bien que tu le dises. Après, sinon, on va avoir plein d'appels pour nous dire « Non, non, mais attendez, l'Amazon... » C'est pour dire qu'elle est rebelle. Et Tom, elle la voit et il tombe déjà amoureux. On voit qu'elle a l'espionne d'un trou. Nicole, oui, Shannon, elle se rend compte, elle dit, c'est qu'il y a quelqu'un, elle prend une fourche et blam, elle lui plante la fourche. Allez, dans la cuisse. Voilà. Et elle commence à crier, père, le père arrive, Tom il prend son fusil, il tire contre le père, le fusil il lui explose à la face, il est perd conscience, il se retrouve dans une chambre où on le soigne pour après l'amener... Chez la police. Quoi. Ouais, le ramener. L'emprisonner et l'épandre. Tout le démarrage, c'est très, très guignol, quoi. C'est les gros sabots. Lumière des merdes, gros clichés. Ça joue à fond, c'est très drôle. Des flûtes, d'ailleurs. Ouais, de la flûte. La flûte tout le temps. On n'oublie pas la flûte. Donc, ils disent appelez Stephen Chase, qui est le mec qui a brûlé la maison. Donc, on se rend compte que c'est lui qui dirige toutes les affaires du Daniel Christie. Donc, c'est lui, entre guillemets, les méchants, qui est amoureux de Shannon. Oui, qui lui est un peu promise. Enfin, il y a un truc. Un peu promis à Shannon. Alors, il prend Stephen Chase, il arrive. Tom Cruise, il commence à se bagarrer avec lui. Il lui crache à la gueule. Stephen Chase, il dit duel, ce soir, à l'aube, au pistolet. Toi, ok. Moi, un octogone, c'est parti. Voilà. Donc, il va dormir. Nicole Kidman rentre par la fenêtre dans la chambre où Tom Cruise dort. Et lui dit, moi je veux me casser, je veux aller aux États-Unis. Là, on nous promet de la terre gratuitement, oui, en Oklahoma. Regarde. Et Tom Cruise dit, non, je ne viens pas avec toi. Il dit, oui, viens avec moi, on forme toute seule, elle ne peut pas voyager. Tu pourrais être mon serviteur. Et il dit, non, je vais au duel. Il va au duel. Il commence il y a plein de brouillard. Ils font les 15 pas. Ils essaient de mirer, ils ne voient rien. Ils se retournent, ils font 15 pas, tu vois absolument rien. Tu dis, ça va mal finir quand même cette affaire. Et là, Shannon arrive en calèche. Tom, viens, je te sauve la vie. Tom, il saute sur les calèches, il fuit les duels et se retrouve sur un bateau pour les États-Unis. Voilà, donc là, Serena a fait en quelques secondes. Trois quarts d'heure du film. Ouais, ça dure trois quarts d'heure facile. C'est vraiment guignol, quoi, c'est marrant. Après, c'est très drôle. Ouais, au second degré, c'est très, très drôle. Donc, il se retrouve sur les bateaux pour les États-Unis. Tom Cruise, il fait les servants, mais il n'est pas capable. Il est un paysan, quoi. Mais... Et elle n'arrête pas de lui dire, fais ci, fais ça, après, prends les sucres. Bon, plein de trucs rigolos. Elle s'est fait arnaquer. Ils arrivent à Boston En fait, elle s'est fait arnaquer par un mec qui était censé être un gentleman. En fait, c'était un arnaqueur qui lui a volé. Parce qu'elle a volé des cuirs en argent pour faire de l'argent. Payer, oui. On lui a tout volé. Au port, parce que l'arrivée au port, c'est le bordel de partout. Il y a des Italiens, bien sûr. Évidemment. Et tout le monde se vole des trucs et essaye de refourguer. Ils vendent des drapeaux. Enfin, c'est... N'importe quoi. Ils devaient se séparer, Tom et Nicole. Mais Nicole, elle se retrouve sans rien. Donc, Tom, il vient la sauver. Et ils vont voir le chef du district, Mike Kelly, qui est un peu le mafieux des Irlandais. Ouais, c'est celui qui tient les Irlandais. C'est un petit jeune qui leur dit « je vous emmène voir le chef des Irlandais, puisque vous êtes Irlandais ». Et en plus, personne ne veut embaucher des Irlandais aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un Irlandais ? Un Italien. Voilà, c'est ce qu'on comprend. C'est la morale du film. C'est pas ouf. Donc, ils se retrouvent chez Mike Kelly. Michael lui dit « Ok, je vous donne une chambre chez Molly, qui est une maison close, un bordel où il y a plein de prostituées, mais ils ont une chambre pour tous les deux. » Tom Cruise dit que Shannon, c'est sa sœur. Oui. Donc, ils sont obligés de dormir ensemble. Ouais. Voilà, parce que les riches, ils sont détestés par les Irlandais. Donc, ils se retrouvent à partager cette chambre et ils se retrouvent à chercher du travail. Bah, c'est Kelly aussi qui leur file le boulot à la... Peut-être. Chez les poulets. Des poulets dans une usine, quoi. Une usine à poulets. À poulets. Une pouletterie. 4. On se retrouve chez Daniel Christie en Irlande et les paysans viennent à l'attaque et brûlent la maison. Ils se retrouvent sans rien. Bon, sans rien. Ils ont toutes les terres de toute l'Irlande, mais ils n'ont plus la maison. Ils disent qu'est-ce qu'on fait ? On va aux États-Unis trouver Shannon. Mais oui, ils sont quand même tristes d'avoir perdu Shannon. Donc, avec Stephen Chase. Stephen Chase, le méchant, on rappelle. Les méchants. 4. On se retrouve avec retour à Boston. Christy, Shannon, Nicole Kidman, elle travaille dans le truc à poulet. Tout le monde dit oh, c'est la plus belle femme qu'on a jamais vue. Tout le monde essaye, mais elle est une tête. Elle était très dure. Et Tom, il aime bien ça quand même. Oui. Et lui, il surveille de loin quand même un peu quand tous les mecs leur disent ouais, elle est belle, t'as ça, machin. On se détend. Hein. Tout à fait. Et elle parle mal au contremaître. Enfin, c'est très monde, drôle. Elle est vraiment la chef. Elle s'est pas déplumée, on galère à déplumer les poulets. C'est très drôle. Bon, il se retrouve dans cette chambre chez Molly, s'espionne. Nicole espionne Tom, Tom espionne Nicole. On comprend qu'ils sont quand même un peu amoureux, mais rien ne se passe. Non. Mais c'est mat. Et surtout, ils n'arrêtent pas de s'épiquer. Elle ne sait pas faire la lessive. C'est lui qui lui explique comment laver ses affaires, etc., etc. Jusqu'au jour où ils sont quand même un peu... Ils se retrouvent, du coup, après qu'ils sont matés. Ils dorment à côté. Ils ne dorment pas dans le même lit. Elle dort sur le lit et tombe au sol. Et tout le monde commence à baiser dans la maison. Parce que c'est maison close. C'est le principe. Donc, Tom, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il court, il fonce au club de Michael Lee, qui est un club où il y a des boxeurs, et commence à taper, tout ce qui bouge, hein. le mec oui, qui vient de finir le combat. Quoi. Voilà, ils font des rencontres de boxe clandestines. Ouais. Et des paris. Bam, bam, bam, bam, bam. Il le défonce, il gagne, il rentre, il a 4$ dans la poche, que c'est genre un mois de salaire. Énorme. Et il vient avec Grace, qui est une danseuse dans la revue du club. Qui lui fait de l'œil depuis un moment. Ouais, qui la regarde. Qu'il est beau gosse aussi dans ses films. Ouais. Il est sale et il est beau. C'est ton nouveau critère. Ouais, je pense plus il est sale et ça marche. C'est bon, ça. Donc Nicole est jalouse et lui dit mais non, tu devrais pas gagner de l'argent comme ça. Elle continue de bosser, donc elle met de l'argent de côté et lui devient un peu le petit héros. Il fait une rencontre de boxe, il gagne tout le temps. Ouais, c'est le champion. Plein de thunes. Il n'arrête pas de s'acheter des chapeaux et des tenues super chic. Ils sont moches, ces chapeaux. Ils sont trop moches. Et Nicole qui m'a dit « j'aime pas ton chapeau, c'est nul ». En gros, elle commence à le juger un peu de devenir un peu trop vaniteux, arrogant et tout ça. Oui, les rôles s'inversent. Voilà, il devient un peu le chef du quartier, quoi. Donc, box. Et il rencontre Darcy Burke, qui est un peu encore les mafieux, encore au-dessous, les grands chefs. Qui veut organiser une rencontre avec les grands champions italiens, qui est une ordure, apparemment, qui ne perd jamais. Mais si Tom Cruise décide de se battre contre lui, il pourra... C'est le match de l'année, quoi. Là, voilà, il pourra gagner beaucoup d'argent. Du gros lourd. Bref, Tom Cruise se prend la tête avec Nicole... il la prend, il la fout dans une baignoire parce qu'elle a un peu plus d'elle. Et elle, il commence à se critiquer. Pourquoi tu peux pas dire que mon chapeau il est bien ? Pourquoi tu peux dire ? Elle se casse et dit ne me touche pas ! Et elle se casse. Et elle dit moi aussi je peux faire de l'argent vite fait quand je veux. C'est le soir de la grande rencontre avec l'Italien. Il cherche Shannon et il ne la trouve pas. Et il y a Dermody, qui est le petit garçon, très bien, le mec qui est juste trop bien, l'enfant est juste trop bien, qui l'aide un peu tout le long et qui fait les rencontres de boxe, qui dit « Mais Shannon, il est là où tu joues de la boxe, il y va et elle est dans la revue. » Eh oui, donc c'est bien danser. Et là, pour l'embêter, quoi. Ben oui. Donc lui, il est trop en colère, il dit « Non, couvre-toi, couvre-toi. » Il dit « Ben non, fais... » Et les autres, ils disent « Fais la boxe. » Parce qu'en plus, il y avait l'histoire de Tom Cruise avec la danseuse qui le matait. Donc, tout est mélangé entre la... Très mélangé. Nicole devient danseuse aussi pour régler ses comptes. Enfin, avec l'autre, quoi. Sachant qu'ils ont aussi oublié un peu l'objectif initial qui était d'aller chercher les terres qui sont gratuites. Ça, c'est un petit peu en parenthèse parce qu'il faut qu'ils se refassent un peu d'argent. Donc, parce qu'en fait... Oui, les cherches, n'importe quoi. Les terres sont en Oklahoma, il faut avoir des chevaux pour arriver jusqu'à là-bas, quoi. Et là-bas, il faut aussi du matos pour gagner la course. Parce que c'est une course à cheval. Ouais. Les premiers arrivés, donc, les premiers gagnent la terre. C'est pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il s'est retrouvé à la revue. Il y a Tom, il se bagarre avec Nicole et lui disent bah, viens faire le match contre l'Italien. Ils lui disent il y a 200 $ que tu pourrais. Qui peut un peu diviser en deux. Tu pourrais gagner 100 $. Et Nicole dit quoi? 100 $? Mais vas-y, fais les matchs. Et OK, il commence les matchs. L'Italien, il est genre immense, quoi. Il gagne. Darcy Burke, donc le grand mafieux méchant, il dit « Ah, mais ça serait encore plus chouette, cette rencontre, si je pouvais être avec la Rockine, donc Nicole Kidman, qui est forcée à être assise sur ses jambes. Tom Cruise, il voit, il attaque, il va la sauver. » L'Italien, il le reprend, il lui fout des coups de ouf, lui il est trop distrait et il perd. Et là, c'est la vague descendante. Et là, ça part en cacahuète. Donc, il perd l'argent. Il est jeté à l'extérieur du box comme le pire de loser. Il va chez Molly où ils habitaient et en fait, il y a tous les méchants de mafieux qui lui ont volé l'argent, qu'ils avaient mis de côté. Il les vire de chez Molly. Il se retrouve dans la rue sans rien. Plus de chapeau. Plus de chapeau, plus rien. Il erre pendant 3 jours sans manger. Il demande de bosser, mais personne n'embauche un Irlandais. Et non. Et encore, heureusement qu'il n'était pas italien. Parce que là... Et il se retrouve devant une grosse baraque. Il décide de rentrer pour manger. Et en effet, la baraque est vide, donc il commence à manger. Il commence à rêver de la terre qu'ils avaient un peu... qu'ils devraient gagner. Et il s'embrasse avec de la floute. Ils ont squatté, ils ont mangé un peu, ils se sont dit bon, ça leur a fait remonter leurs rêves et leur amour, leur passion. Mais les propriétaires de la maison reviennent et disent c'est qui est là. Il prend un fusil, il tire sur qui? Sur Nicole Kidman qui est blessée très gravement. Donc Tom Cruise, qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène à l'adresse où ses parents ils sont parce qu'il savait que les parents ils cherchaient. Il a appris entre temps que. Et du coup, il y a une adresse qui tout le monde sait qu'ils sont là-bas, donc il amène à l'adresse. Il amène Nicole à l'adresse, il la laisse là-bas, au soin de Stephen Chase, le grand méchant, et il se casse. J'aime bien. Stephen Chase, le grand méchant, n'est-ce pas? Et il se casse. Il part. 8 mois plus tard. Voilà, là c'était le deuxième tiers du film. Voilà. On attaque le dernier tiers. Dernier tiers. Pour rester concentré, 8 mois plus tard. Ozark Mountain, il est en train de construire des rails. Il est embauché comme ouvrier pour construire des rails pour amener des trains en Oklahoma. La ruée vers l'ouest. Il travaille. Il rêve de son père qui lui dit les terres, si tu as des terres, machin truc. Il voit ça comme un signe. Il voit un convoi qui va en Oklahoma. Il décide de se casser, de lâcher tout pour aller en Oklahoma. Il arrive en Oklahoma. Paysage, Oklahoma. Il cherche un cheval pour participer à la course. Il y en a que deux qui restent. Hyper rébelle, que personne peut, qui n'a pas été dressé. Débourré. Débourré, voilà. Et un autre plus pépère. Donc il prend Doigts de mourir. Il prend les plus vieux, parce que l'autre, il risque de mourir, lui. Il prend les plus vieux, il se balade dans l'endroit là où on donne les bandières pour planter. Oui, les drapeaux, parce que c'est une course où tu dois tu t'inscris, on te donne un drapeau et il faut que tu arrives le premier sur le lot et que tu plantes ton drapeau pour dire c'est bon, c'est à moi. Voilà, un truc de ouf quoi. Donc il voit Shannon, Elle est avec ses parents. Et Stephen Chase. Et Stephen Chase, il a un peu décidé que... Il a vu un peu un terrain où ils pourraient être tous les deux. Et on comprend qu'elle, elle décide de passer sa vie avec lui. Elle n'a pas le choix. Elle parle avec Tom Cruise. Il y a des petits trucs, mais il y a un petit dialogue. Mais en gros, elle lui dit bah, bonne chance. À voir. Tom Cruise, il sort, il va dans une taverne. Il est bourré, encore une fois, parce qu'il a l'air. Parce qu'il a la frustration, parce qu'il a vu Nicole avec Stephen Chase. Voilà. Donc, il sort de la taverne et son cheval est mort. Et voilà. Donc, moralité, il faut peut-être, prendre des risques et mettre peut-être plus d'argent pour avoir un bon cheval plutôt que de prendre le premier prix. Voilà. Donc, il décide de prendre l'autre cheval qui n'est pas... T'as plus le choix, c'est quoi. Ouais, c'est le dernier. Il se retrouve les jours de la course. Donc, il y a des milliers de chevaux, des gens en calèche ouais. Des gens à cheval, c'est la folie. Il y a quatre lots, genre 4-5 lots. Et ils tirent un coup de canon et bah, c'est parti. Tout le monde part. Tout le monde part, sauf Tom, parce que son cheval, il ne sait pas trop où aller. Il saute de partout, machin truc. Et à un moment, Shannon, elle lui dit, prends-le au mort. Il le prend au mort et là, c'est parti. Bam, bam, bam, bam, et il va plus vite que tout le monde. Là, magnifique, il remonte scène. Tout le monde. Et là, c'est un peu comme dans Jour de tonnerre. Tu vois. Il remonte, il prend l'aspiration, il doit par la gauche, par la droite. C'est magnifique. C'est magnifique. Bam, bam, bam, bam, il remonte. Tout le monde va dans une direction, mais il voit Shannon et Stephen Chase qui vont dans une autre direction. Donc, il décide d'aller voir Shannon. Donc, il la suit et il décide de leur piquer un gros la terre sous les nez. Ben, c'est qu'a priori, il y a moins de monde par là, vu qu'il y a que. Donc, il y va, il arrive. Avant tout le monde, il a son drapeau, il est en train de le planter et là il s'arrête. Parce qu'il s'est dit, je ne peux pas avoir des terres sans avoir Shannon. Débile. Là, Stephen Chase, il arrive, il attaque Stephen Chase, il se bagarre. Stephen Chase est sur les chevaux, lui il est à pied. Bam, les chevaux tombent et tombent sur Tom Cruise qui prend un gros coup de tête sur une pierre et il meurt. Sous les larmes de Shannon qui dit « Non, mais j'étais toujours aimé, machin truc. » Et Tom Cruise se déclare aussi. Après, elle se déclare « Merde, je ne peux pas avoir cette terre sans toi. » Et là, rappelons-nous que dans la famille de Tom Cruise, les gens ressuscitent. Et voilà. Et Tom Cruise ressuscite. C'est très bizarre, ça aussi. Trop bizarre. Il ressuscite. Et voilà, ils plantent les drapeaux ensemble. Et fin. Voilà. Bah, bravo. Ah, ça allait un peu vite, mais voilà. C'est 2h30 de film à condenser. Je crois que en un quart d'heure, tu as réussi à faire quelque chose de... C'est brillant, c'est précis. Hein. Bien. Et on n'a pas raté beaucoup d'infos. Non, je pense pas. En tout cas, pas la double mort. Oh, putain. Bon, du coup, on va se faire on va se regarder le petit extrait de... Oui. Le moment où Tom Cruise vrille un peu parce que... Il peut pas avoir Nicole Kidman. Il n'a pas Nicole Kidman, son boulot ça marche pas, il sent que ça va pas, il a besoin de se défouler. Du coup, il va foncer pour aller se bagarrer dans le bar des Irlandais, du coup. Première rencontre des boxe de Tom. Tout à fait. Sort de la porte. Il commence à marcher très vite. Il court. Oh, ça y est, il court. Et là, il a le regard. Il a super body, les petits gamins qui cherchent des gens contre le boxeur là. Alors, Tom, il arrive, il jette la chemise. C'est quoi, poil. Il est. Je suis prête. Allez, grosse patate du gauche, ça c'est réglé. Ok, ça va mieux. Non, il y a deux règles, il faut pas juste donner une patate comme ça. Je crois que c'est bon, là, ça va beaucoup mieux, mais bon, il va quand même se réénerver parce que. Donc là, il y a Kelly qui fume ses cigares qui commence à t'intriguer. Ah, j'adore cette gamin. Pieds sur la ligne, on donne les règles. Il crie, il gueule. Pas de morsure, pas de triche. Allez, là, sur la ligne, parti, bam. Il se prend dans la tête, grosse patate. Vas-y, Tom. Allez, on regarde avec tout le monde. Hop, il esquive. Et bien, il tape un mec dans le public. Il tape trop cher. Sur la ligne. Bam. Oh, un coup droit au ventre. Hop, esquive. Esquive. Au ventre. Oh là là. On l'appelle le pédicoc. Hop, il enchaîne dans le dos. Coup droit, coup gauche. Allez. Hop, encore une esquive. Re dans le ventre. Ah, un client en plus de gauche. La nana de la revue le regarde. Il enchaîne. Wow. Hop, le mec sur le coup. Il a défoncé. Il est tombé. Ah. Il a gagné. Bravo. Bravo, bravo, Joe Donnelly. Et Kelly, du coup, bah, il a l'invité, quoi. Ouais. Kelly, il a trouvé son champion. Trop bien. toute cette tension accumulée. Ah, il arrive, il tape sans réfléchir. Hein, il tape le mec du public. Mais là, c'est trop drôle. Bien quand il tape le mec du public. Bah alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film que tu avais déjà vu, mais que t'avais oublié forcément, là maintenant? Je trouve qu'il était vraiment très drôle. C'est vraiment trop drôle, quoi. Déjà, Nicole Kidman, il faut dire encore une fois, elle est géniale, quoi. Elle joue vraiment la princesse, mais têtue très, très bien. Leur duo, ça marche trop bien. Ils sont trop forts, tous les deux. Une connexion qui est folle. Ouais, on se disait, ils doivent trop s'amuser à faire un truc comme ça. C'est vraiment drôle. Après, les débuts, au début, tu fais « Oh non, mon Dieu !» ça fait bizarre. Tu sais pas où ça veut aller parce que c'est un peu comique. Oui, cliché, ça tout le long. La lumière pourrie, quoi, au début, franchement, avec l'espèce de floutée, l'image floutée, avec ses bleus. Et après, dès qu'il y a la boxe, bam, bam, bam. Tout le passage Boston est vraiment chouette parce qu'il est moins dérisoire. Et en plus, tu as leur histoire qui commence à évoluer. Du coup, c'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est trop bien. Et la course à cheval, la course, elle est folle. Ça, c'est dingue. C'est la course c'est assez impressionnant, ouais. Ouais. Et Tom. Qui galope. En plus, c'est marrant, il est possédé quoi, dans ces trucs. Quoi. Quand il va courir, quand il boxe. Tout. C'est vrai qu'on retrouve un peu le Tom Cruise physique. C'est vrai. Et c'est qu'on aime lui. dans tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans les stunts, là, quand il fait semblant de se prendre des mandales dans la boxe, on y croit trop. Ouais, quoi. Il tombe comme un mec tombe. Enfin... Ouais, il tombe sur les gens, il y a une espèce de chorégraphie, des fois, c'est assez impressionnant. Bravo. On en parlera après, mais sur le film, Très, très bien. Après, il y a un truc qui est quand même bizarre, parce que là, on a résumé en trois parties, mais finalement, il y a un peu ça dans le film, il y a un peu trois parties, quoi. Et c'est assez inégal, et du coup, ce qui fait que tu as des creux. Moi, je sais que j'ai décroché un peu après quand ils sont à Boston, avant qu'ils arrivent dans l'Oklahoma, il y a un truc où ça montait, et puis, pof, ça... Oui. C'est un peu comme si tu avais plusieurs films dans le film. C'est qu'ils ont essayé de faire ce truc de la destinée, tu vois. Du père qui lui a dit au début, qui est mort deux fois, qui lui a dit si tu trouves des terres, ça sera génial. Du coup, ils ont dû remettre les pères dans les rêves, que c'est un peu les signes. Ouais, t'as un peu un truc où ils veulent faire à la fois un espèce de drame shakespearien, à la fois une grande épopée, à la fois un western. Il y a un truc où tout est un peu mélangé, ce qui fait qu'il n'y a rien qui réussit complètement. Après, tu as une réalisation quand même qui est pas mal. Partie effectivement de Boston, tu as une réalisation qui roule plutôt bien. Et la scène effectivement de la cavalcade à la fin, la course, c'est incroyable. C'est impressionnant. Ouais, trop bien. Après, de ce film-là, tu te dis aussi je comprends pourquoi les États-Unis sont autant obsédés par l'argent. C'était que des pauvres. C'est que des immigrés. Mais bon. Qui ont détruit la population locale, qui ont exterminé. C'est vrai. Et puis, tu as ce truc d'accomplissement personnel. Là, le truc des courses pour gagner ton terrain. Le terrain, il est gratos, mais il faut que tu gagnes une course toi-même, tout seul. Ça fait... c'est vraiment les trucs de... Les rêves américains, tu le vois vraiment et tu dis, bien sûr, ils étaient tous pauvres et ils arrivent tous là pour avoir une chance d'avoir une terre gratuite. Tout le monde fait ça, quoi. Il y a des milliers et des milliers de gens, quoi. Non, mais c'est vrai. L'argent, quoi. La course, du coup, qui est quand même très, très belle. 800 cavaliers et figurants, 900 chevaux, 200 wagons et 9 caméras pour filmer tout ça. C'est énormissime, quand même, prod. J'ai l'impression que c'est Ben-Hur, quoi, le truc. Ou tu sais, le Spartacus de Kubrick. Enfin, ça fait des trucs épiques, c'est dingue, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu des blessés. 4 blessés et un cheval qui est mort. Et oui, parce qu'il y a des scènes c'est hyper dangereux. Mais grave, ce qu'il fait. C'est hyper chaud parce qu'ils sont. Le terrain est pas ouf quand même. Donc, et puis ils sont col-col. Enfin, il y a plein d'accidents filmés, des trucs. Ouais. Après, c'est ça qui fait que ça marche aussi. Hein, parce que tu alternes entre des plans serrés, des plans larges, mais tout est hyper fluide. Et puis tu vois vraiment l'immensité de la chose. Et tu vois Tom Cruise et Nicole Kidman qui sont tout petits dedans. Enfin, c'est assez dingue en fait ce que ça fait. Après, tu t'en écartes parce qu'après, il faut suivre pour qu'ils aillent jusqu'au bout de la course, qu'ils s'éloignent et tout ça. Mais le démarrage de la course, il est impressionnant. Oui, ça, impressionnant. Je trouve que c'est vraiment le moment où tu as ce truc épique et historique qu'ils voulaient montrer. Là, tu le vois. Oui. Le reste du temps, c'est un peu plus anecdotique, je pense. Le côté historique et tout ça, ça marche moins bien. Oui, en plus avec des gros clichés. J'en ai beaucoup sur le cliché. Putain. D'ailleurs, figure-toi qu'en Irlande, ce film est culte. Sérieux ? Ouais. Je pensais pas du tout. Il est culte à cause des accents. Parce que l'accent irlandais qu'ils font dans le film n'a rien à voir avec un accent irlandais. Mais je me demandais justement. Ouais. Et qu'en fait, le mec qui a coaché pour qu'ils aient l'accent, il a galéré. C'était la première fois qu'il faisait donner un accent irlandais à des acteurs. Des acteurs. Ça marchait pas. En plus, l'accent qu'a Nicole Kidman, qui est censé avoir Nicole Kidman, n'est pas du tout bon, en fait. Elle devrait avoir un accent de la haute bourgeoisie anglaise et ça marche pas. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est que ça, en fait. Et apparemment, tous les accents sont ratés de chez ratés. Du coup, ça a fait beaucoup rire les Irlandais. Pour qui c'est culte ? Bah, je comprends, c'est drôle. Ouais. C'est drôle. Parce que t'entends des trucs bizarres de tournure. Hein. Ouais. Trop bien. Et alors, une autre anecdote qui a rapport avec l'Irlande, parce que ça a été toutes les scènes de Boston ont été tournées à Dublin. Ouais. Du coup, notamment au quartier de Temple Bar. Oui. Qui est quartier au centre, vraiment au centre, où il y a des pubs tous les 20 cm, en gros. Et qui, en fait, a été bloqué pendant 3 mois. Pendant 3 mois, ils ont fermé Temple Bar pour tourner ce film. What? C'est ouf, quand même. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Après, ils ont rincé les commerçants pour que ça marche. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est un endroit à Dublin où ça s'arrête jamais, quoi. C'est Times Square, quoi. Ouais. Des ouf. C'est génial, quand même. Ah ouais, les mecs, c'est comme une grosse prod, parce que pour arriver à bloquer le centre le plus vivant de Dublin, faut être balèze. Non, mais c'est sûr. Oui, après, vraiment, vraiment, vraiment, cliché sur cliché. Je comprends que ça devient culte pour des trucs rigolo, du coup ça devient culte parce qu'il est drôle. Parce qu'il devient ridicule. Ils sont trompés, mais. Oui, après c'est vrai que c'est pas de la fiction. Après c'est ça, est-ce que quand tu te dis sur ces films-là, de cette époque-là, est-ce que tu es obligé de passer par tous ces clichés-là pour quand même comprendre. Je pense pas. Peux justement rajouter un peu de finesse et tout ça. Bah, les débuts, même avec les vieux Irlandais du début fermier, oui, on dirait trop les Pock et Plouc de Legend, tu vois, c'est un peu c'est grotesque, quoi. C'est ça. Bah, de toute façon, même tu vois, Nicole Kidman, vraiment, elle le joue, après c'est très drôle en fait. Ouais, elle te joue le truc à 20 000, beaucoup trop, quoi. c'est très bizarre. Mais bon, en même temps, voilà, moi j'ai passé un bon moment finalement. J'ai passé beaucoup pire. Je me suis amusé. Oui, il y a bien pire. Ouais, on a fait pire. Non, mais ouais, c'est assez marrant. Et ah oui, j'ai deux, trois petites anecdotes avant qu'on parle d'autre chose. Quand au tout début, dans la scène où Tom Cruise est dans la chambre et il est allongé, nu, et il a un pot. Un bol sur les parties intimes. Ouais. Et il y a Nicole Kidman qui vient et qui soulève pour regarder ce que c'est. Quoi. C'est assez drôle. Ça fait partie de tout ce truc. Elle regarde deux fois. Et en fait, apparemment, Ron Howard, bon, c'est une anecdote, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais il n'était pas content de la réaction de Nicole Kidman qui ne marchait pas, quoi, elle n'avait pas l'air surprise suffisamment, ou c'était trop grotesque, je sais pas quoi. Et du coup, il a demandé à Tom Cruise d'enlever ses sous-vêtements, de se remettre, et ils ont retourné. Et ils ont gardé la prise où, en fait, elle a été vraiment surprise. Il faut savoir qu'à l'époque, ils étaient mariés déjà. Oui, voilà, en plus. Mais bon, c'est quand même limite comme manière de faire. Voilà. Ça, c'est la vieille époque. On s'amusait. On s'est rigolé. On pouvait regarder des parties intimes sans avoir sans permission. Après, une autre. J'en ai deux autres petites anecdotes. J'ai pas trouvé grand-chose. Il n'y a pas énormément d'infos sur le film, mais. Quand ils sont à Boston, il y a Nicole qui est toujours éplucheuse de poulet. Enfin, je sais pas, ça se dit pas éplucheuse de poulet. Éplumeuse peut-être. Qui s'occupe de plumer des poulets, qui est avec des filles dans la rue et qui passe devant une vitrine où il y a des robes. Elle se rappelle un peu ce truc où elle avait des robes, etc. Et ben la robe qui est dans la vitrine, c'est une robe qui avait servi sur le tournage de Retour vers le futur 3. Un ou deux ans avant. Non, de la maîtresse là, de la copine de Doc. Ouais. Oh. Alors ça devait être la même prod, j'imagine. Je sais pas. Je suis pas vérifié si c'était les mêmes prods, mais bon. Ah mais non, je vais voir. C'est drôle. Les futurs. Et dernière anecdote avant qu'on passe à notre point suivant. Notre ami qui fait Stephen Chase. En vrai, il s'appelle Thomas Gibson. Oui. Et tu sais quelle est la particularité quelle est la chance qu'il a de ce Thomas Gibson ? Non. Il est né le 3 juillet 1962, le même jour que Tom Cruise. What ? Et voilà. Waouh ! Il n'a pas eu la même carrière, le pauvre. Bah, il a fait quand même Darma et Greg dans son série. Oui, après, il a fait des séries, quoi. Il n'est pas culte comme Non, comme Tom Cruise. Ah ouais, même jour. Le même jour. C'est fou, hein. Comme quoi, la vie nous sépare de... C'est très peu. Moi, les mêmes jours que moi... Bah, les mêmes jours, pas la même année, mais c'est Monica Lewinsky, quoi. Oui, mais c'est pas la même année. Ouais, bon. Même jour, la même année, quand même. C'est, bref. C'est dingue, ouais, c'est dingue. Voilà. Bon, ben... Tout ça, c'est bien, mais il y a quand même un truc qu'on a besoin d'éclairer. C'est savoir ce qui s'est passé au niveau des récompenses. And the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, tout. On dirait des fois que ça fait and the Oscar goes. Donc, bref. Le point Oscar. Oui. Le point... qu'on a besoin d'aborder, même s'il nous fait très mal au cœur. Pour exorciser cette injustice. C'est ça, cette grosse injustice. Donc, point Oscar, bah là, forcément... Enfin, forcément, si. Il y en a. Forcément, il y en a. Bah oui, bah, de toute façon, techniquement, Nicole Kidman. Déjà, il y a Nicole Kidman. Ah, on l'a vu il y a deux semaines. Il y a Nicole. Mais alors, il n'y a pas qu'elle. Il y a au moins deux autres personnes. Après, je me suis arrêté au bout de deux. Ron Howard. Ron Howard, ouais. Il a eu un Oscar pour quoi? Il a eu deux Oscars pour Un homme d'exception. Ah, j'ai pas vu. Avec Russell Crowe. Qui avait dû avoir un Oscar aussi. Ah, mais si, Beautiful Mind. Beautiful Mind, c'est, que, c'est ça. C'est pas le même titre. Ah oui, oui. Excuse me. Sorry. Oui. Oui, d'accord, ouais, je comprends. Après, le film Far and Away a eu un Razzie, enfin une nomination au Razzie pour la chanson de chansée par Enya. Ouais, c'est, bah ouais, je comprends. C'est pas ouf. Mais qui, la personne qui a composé la musique. Et oui, John Williams. C'est John Williams. Et d'ailleurs, il y a plein de moments où tu reconnais, tu fais oh là là, mais c'est un peu toujours les mêmes ficelles, mais bon, c'est quand même John Williams. Donc voilà. Et John Williams, il en a eu des Oscars, on dirait. Pour qui? Pourquoi? Il en a eu 5 Oscars. What? Et tu sais combien il a eu de nominations? C'est énorme. Non. Il en a eu plus de 33. Non, mais c'est dingue. C'est les rois des Oscars pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, à un moment, à chaque truc, tu fais ah, bah, mais John Williams, on sait jamais, de toute façon, il sera là. Et du coup, il je avait eu des Oscars. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais t'inquiète, ouais, c'est sûr qu'il y en a. Tu vois, il a eu Oscar, je crois, pour Star Wars, E.T., Jaws et La Liste de Schindler, je crois. Et ouais, ouais. Enfin, voilà. De toute façon, il y a un moment, John Williams, bah, c'est comme Meryl Streep, c'est automatique. Je suis bien. Tu vois, parallèle. Oui, ça va. Bah oui, c'est le même genre de personnage. Hein. Ouais. Bon. Donc voilà, quand même, ça fait encore une fois beaucoup. Et je pense qu'il y a un peu ce risque, c'est que plus on avance, plus il y a des gens qui ont des Oscars autour de lui, je sais pas. Bah surtout qu'ils en ont de plus en plus, peut-être. Les gens n'ont plus, ouais. Lui, toujours. Et lui, toujours pas, quoi. Ah, là, c'est dur, trop triste. C'est très, très dur. En plus, là, il a fait un faux accent irlandais. Ouais, et c'est pas le pire, hein. Franchement, c'est pas le pire. Ouais. C'est clair. Ah, mais là, en plus, tu vois, quand je faisais le générique pour les Oscars. Je cherchais du coup des vidéos de Tom Cruise aux Oscars, donc j'ai vu des moments où il remet des Oscars d'honneur, des trucs comme ça, ouais. Etc. Et tu te dis, oh le pauvre quoi. Parce qu'il a présenté plein de fois, il en a donné et tout. Je sais pas si c'est le moment de le raconter, mais bon, maintenant je le dis. C'est quand il y a eu l'attaque aux Twin Towers. Ils ont quand même demandé à Tom Cruise de faire les discours aux Américains des Oscars. Ouais. Et aucun d'autre comédien américain pouvait se le permettre, tu vois, alors que lui, il n'a même pas d'Oscar. Quoi. Ouais. Et je l'ai écouté, du coup, notamment celui-là, et c'est vrai que ça a marché. Enfin, c'est impressionnant, quand même. Ouais. On ferait un jour peut-être un épisode sur le discours aux Oscars après le 11 septembre de Tom Cruise. Mais c'est quand même fou que les Oscars, ils demandent à le seul mec qui n'a pas d'Oscar. De toute façon, ils en avaient des stars. Oui. Bon, c'est pas ça que c'est pareil, la dernière star d'Hollywood. Oui, c'est ça. Hein. Même sans Oscar. Mais c'est pareil, c'est lui qui a remis son Oscar d'honneur à Paul Newman, par exemple. Et parce que, oui, c'est son idole de jeunesse, ils sont proches. C'est son ami, en fait. Ils vont faire des courses de cars. Ils vont faire des courses de voitures ensemble. Stock car. Bref. Ouais. Hein. Bon, alors après, Far and Away, ça a coûté un peu de sous. Bah, tu m'étonnes, juste la scène des chevaux. Ouais. La prod est belle, après. Je trouve que quand même, les costumes, tous les décors... C'est super joli. Ouais. C'est plutôt bien joué sur un truc aussi... vaste, parce que tu as quand même trois espaces, trois temporalités, c'est quand même plutôt bien foutu. Après, ça, on pourra jamais enlever ça à Ron Howard, c'est que c'est un mec qui sait faire des films. Ils sont jamais super originaux, c'est jamais dingue, mais il sait faire des films, on va dire propres. Surtout, on peut dire qu'il s'est sorti de Happy Days. Oui, ah oui. Ouais. Non, mais c'est pas évident quand oui, même. Oui, après, je pense qu'il a une plus grosse carrière de réalisateur que pour d'acteur. D'acteur oui, mais à l'époque d'Happy Days, oui, tu t'imagines, tu sors et tu dis, je veux être réalisateur. Genre, oui. Ricky Cunningham, il veut être réalisateur. Tout le monde lui rigole à la face, quoi. Là, ils en sortent. Ah oui, non, et puis, mais après c'est, ouais, c'est typiquement le réalisateur hollywoodien qui la prod dit, bah, tu nous fais ça, il va faire ça bien. Il n'a pas une patte complètement dingue, moi, je trouve. Bah, non, mais après, je n'ai pas beaucoup vu. J'ai vu un homme d'exception. T'as Apollo 13, des trucs comme ça aussi. Bon, c'est des films qui sont chouettes, mais comme celui-là, quoi, qui révolutionne rien. Oui, oui, oui. Bref, du coup, belle prod, budget de 60 millions. Ah, ça commence. Ça commence. Bah, c'était à peu près ça, hein, je crois. Ouais, avant aussi. Un peu plus. Days of Thunder, c'était 60 millions aussi. Ah, okay. Bon, c'est le standard, je pense, sur ces prods dans les années 90. Le salaire de Tom Cruise, le cachet, il augmente un peu parce que là, on passe à 13 millions. Ah, et Nicole puis, aussi, ça doit Nicole, augmenter. Ça doit commencer. Ça doit être un peu moins parce que c'est que son deuxième film un peu connu, mais. Mais oui, ça doit augmenter aussi, forcément. Bah, forcément. Et ça a rapporté, par contre, c'est pas ouf, ouf, parce que ça rapporte que 138 millions. 138 ? Ouais. C'est énorme. Oui, mais par rapport à 60 millions de budget. Ouais, les doubles, quoi. Un peu plus double. Que les doubles. C'est bien, le double, bon. C'est, on va dire, c'est le minimum, hein, pour que ça rentre, mais c'est pas fou, fou, oui, fou. Oui, c'est quoi. Pas la grosse. Mais après, 2h30, mais qu'est-ce qu'elle leur a pris et... C'est vrai que. Maintenant, maintenant, ça se fait les films de 2h30, mais avant, ça se faisait pas trop, quand même. Bah, que. Quand tu commences, 1892, ouais. Les fermiers, il y avait moyen d'aller bien plus vite sur plein de moments, quand même. Ouais. Bref. Bon, du coup, dans tout ça, on a notre ami Tom Cruise qui est là, qui est encore magnifique. Une fois, voilà, Serena a dit qu'il était, sale, donc il était magnifique. Et ça. Et il est souvent sale. Dans ses films, ouais. Et en plus, je sais pas, il est bien. Ben ouais, il est marrant, il a le truc intense. L'extrait qu'on a écouté, du coup, où il se bat, c'est marrant ce truc-là où il est très physique. En fait, Mais même quand il se fait traîner par les chevaux, cheval. Et après, il y a plein de partitions physiques quand il se prend les fusils dans la gueule. En fait, il est tout le temps en train de faire des cascades à droite à gauche. Quoi. Mais c'est là, ça, tu sens vachement. Depuis le début, autant tout début, on ne sentait pas trop encore le côté physique. Mais à partir du moment où ça se développe, si tu vois sur plein de films que c'est là où il est le plus à l'aise. Après, dans celui-là, il a quand même des moments, les moments avec Nicole Kidman aussi. C'est trop beau. Ça rajoute un truc où il marche bien, le duo marche bien. Et je pense que peut-être pour la suite. Le fait d'être avec Nicole Kidman, de l'avoir rencontré, ça va peut-être l'aider sur ces parties-là du jeu aussi. Oui, un peu plus sensible sur des trucs comme ça. Ah, bah c'est sûr qu'elle a, il a des regards languides. Je sais pas comment on dit. Languissant. Langoureux. Je crois que c'est langoureux qu'on dit. On va vérifier, mais il me semble que c'est langoureux. Ouais. Ils sont très beaux. Mais même elle, en fait, en réalité, leur duo, il marche trop bien. Bon, on l'a dit 50 fois, mais c'est trop bien. C'est ils sont Nicole, forts. C'est Nicole. Nicole est très forte. Et après, même pareil, beaucoup, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de trucs de comédie dans ce film. Oui. Je sais pas si c'est plus ou moins dosé. Tu vois que Nicole Kidman, elle y va à fond. Elle a pas peur de le faire et puis ça le dérange pas, en fait. Elle est trop drôle. Je sais pas si ça a été dirigé comme ça, mais elle y va. Si. Et Tom Cruise arrive à suivre quand même ce truc-là. On avait vu un peu avant ce truc de jouer à la comédie où il peut avoir des timings et des trucs comiques s'il a des bons partenaires où ça roule, quoi. Notamment Redman et tout ça. Ouais. Et là, effectivement, ça peut répondre. Quand ils sont sur le bateau, tout ça, ils ont des timings, des trucs qui marchent bien, quoi. Ça marche trop bien, ouais. Carrément. Du coup, ouais, c'est un truc. Il est fort quand même. Il est fort. Mais après, on va voir comment ça évolue. Parce que je sais plus qui. Il y avait un journaliste américain, je crois, qui avait défini un pattern dans les films de Tom Cruise. Il a dit, mais en fait, c'est marrant, tu regardes ces films, et tu trouves vraiment un pattern du personnage, etc. Comment il évolue toujours dans la même façon. Comment, en fait, finalement, ses rôles sont quasiment toujours les mêmes sur des petits points. C'est sûr, là, encore une fois, les pères, Tom Cruise, c'est jamais une mère dans tous ses films. Mais tu sais, c'est comme Steven Spielberg, la relation au père, c'est la base de sa filmographie. Après, je pense que c'est la base de la filmographie de beaucoup de réalisateurs, parce qu'à l'époque, il n'y a que des mecs qui écrivent et qu'ils n'ont que des problèmes avec leur père, parce qu'en fait, les années 90, je pense qu'il y a un truc qui se joue là-dedans. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup dans le cinéma, toujours les problèmes et l'histoire du père, etc., et que la mère, en fait, elle n'est pas vraiment présente. Quoi. Ouais, là, vraiment pas là, du pas tout. Là, pas du tout. Hein. Là, ah, c'est clair. Le mec, il a fait les enfants solo. Quoi. Oui, voilà. Même la mère de Nicole Kidman, finalement, on la voit peu. Elle passe juste son temps à engueuler le père parce qu'il picole. Ouais, je voudrais faire un petit... souligner un petit truc. Ça m'a beaucoup énervée. Genre, la mère, elle est horrible et elle traite sa fille super mal. Elle oblige aux règles et machin. Les pères, putain, il est trop gentil. Il est tout le temps bourré, quoi. Oui, mais quand même, c'est les putains des patriarche qui a toutes les terres du monde, mais non, trop mignon. Il écoute sa fille. Par contre, la mère, c'est une castreuse. Ça ne se dit pas pour les filles, mais... Oui. Bref, encore une fois, une mère qui est peinte comme un monstre et les pères gentils. Oui. Voilà. Non, mais ça, je pense que c'est vraiment... qui est... Après, c'est ça, la question, c'est qui écrit les films. Bah, donc, ouais. Du coup, ça te donne le point de vue. Hein. C'est pas... Sob. Désolé. Bah. Là, c'est... Bref. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Tom ou Nicole même? Bah, c'est compliqué de dire autre chose que c'est bien, ils sont forts. Après voilà, il faudra un moment que ça, il y a un truc qui évolue quoi, peut-être. Pour Tom. Tu veux dire? Ah oui, dans les jeux. Ouais, après c'est dans les rôles. En fait, après c'est il y a cette frustration, je pense, d'avoir vu consécutivement Rain Man et Né un 4 juillet où il commence à développer d'autres choses et que là on est encore un peu sur ce truc du. Ouais. J'ai le premier et Far and Away amène pas beaucoup de trucs en plus, je trouve. Oui. Après. C'est en termes de jeu d'acteur. Après, je pense qu'en termes de stature hollywoodienne, là, le fait que c'est le premier film qu'il fait avec Nicole Kidman maintenant qu'ils sont mariés, ça pose un truc où. Ouais. En gros, c'est un film où bah, voilà, ça se fait que avec leur nom et dans Hollywood, ça pèse énormément, quoi. Oui, bah moi je dirais vraiment les trucs physiques. Ça faisait un moment qu'on le voyait pas aussi engagé physiquement, mais je trouve que physiquement c'est on y croit trop. Et puis il est solide. Il est ouf quoi. Il est taré, sûrement. Complètement taré. Voilà, mais bon non, en effet, il nous manque un peu plus. Mais ça va arriver là, dans les 4 ans. Tu le sens là, ça va arriver. Un petit méchant quoi. Ah le méchant. Le méchant. Bientôt. Bon bref. Bon, du coup, on va voir un petit peu ce qu'on... On va condenser tout ça sur un pourcentage. Oh non. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Je sais pas, le cruzomètre peut-être. Ah, bonne idée. C'est l'heure du cruzomètre. Ben oui, c'est l'heure du cruzomètre. Le cruzomètre, échelle de 0 à 100, exprimée en pourcentage, donc, sur notre ressenti à la fin du film, sur l'importance du film dans la carrière de Tom Cruise dedans, le film, ouais. Nicole, un peu tout, on sait pas. Ah, c'est trop difficile, je sais pas. Pas simple, hein. Je sais pas, c'est la merde. Moi, j'avoue que j'ai flirté sur plein de trucs, parce que il y avait le truc de, bah, c'est le premier film où ils sont tous les deux avec Nicole officiellement ensemble, donc ça pose un truc. Ouais, bon. En même temps, il n'a pas trop marché, du coup. Il a fait quand même... je ne sais pas combien de gens l'ont vu, mais je ne pense pas tant que ça. Il est culte en Irlande. Mais il bon, est culte en Irlande parce qu'il s'est trompé d'accent. C'est un peu... Ouais, je sais pas, c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai navigué, soit je mettais un peu plus juste parce que c'est le premier film Nicole et Tom ensemble. Mais ce que j'ai pas marié. Fait sur le... Marié. Ouais. C'est pas ce que j'ai eu sur Days of Thunder. J'ai pas voulu valoriser ça parce qu'ils étaient pas ensemble et puis que c'était pas encore. Ouais. Mais c'est pas facile du coup. Je sais pas, moi je suis entre 20 et 30 quoi. Oh oui, c'est. C'est bas. Hein. C'est bas. Bah, écoute, peut-être un peu plus, donc 30. Bah, en réalité, moi, ce que je dois dire, c'est que je m'attendais vraiment à très très mal et je me suis plutôt amusée, donc c'est un film que j'ai apprécié. Mais en réalité, je trouve que dans la carrière des Tom Cruise, bof quoi. Ouais, je comprends. Donc 33. Ben, tu vois, moi, j'étais parti au début pour le mettre juste au-dessus de Jour de tonnerre. Ah ouais. Parce que j'ai peut-être une tentative d'un truc. Et puis qu'il y avait fait que c'était le premier film qui tenait à deux avec Nicole Kidman officiellement. Et alors? Mais en fait, en t'écoutant, je me dis, je vais peut-être le mettre juste en dessous. Tu vois. Tu vas peut-être le mettre à 38, un truc comme ça. Ouais, bah, parce que ça n'a rien fait. Ça rien non, fait. Mais c'est vrai, ça. Ça compte effectivement, peut-être que ça compte moins que même pour le couple, ça compte moins que Jour de tonnerre. C'est sans Jour de tonnerre, ils seraient pas ensemble, quoi. Ouais. Là, sans ça, peut-être ils seraient encore ensemble d'ailleurs. Je suis pas sûr. Ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué que ça. On en discutait en off de l'histoire de. Bah après, on va pas trop la revoir avant un moment, Nicole. Bah oui, là, en tout cas, c'est l'année où ils adoptent la première fille. Isabella. Enfin, il l'appelle Bella, mais je crois que c'est Isabelle. Ouais. Et en 95, ils adoptent Connor. Tout à fait. Parce que Nicole a des problèmes de fertilité. Elle a eu des enfants avec. Après, ouais. Ben ouais. Mais sur le coup, non. Ah ouais. Mauvais signe. Ça, c'est encore un coup de la scientologie. Je vais pas dire, mais bon. Bref. Voilà. Donc, Rotten Tomatoes. Alors Rotten Tomatoes est mitigé, dit 50%. Ah, c'est bien. Et en résumé, les critiques, c'est un peu ce qu'on disait, quoi. C'est. Tu vois ce qu'ils veulent faire. Tu vois le côté faire une grande fresque, une épopée, mais qu'il n'y a pas l'élan qui va avec. Ouais. Il n'y a pas le souffle épique, ça prend jamais vraiment. Ouais. Et c'est vrai que tu as un peu ça. À chaque fois, tu te dis « Ah, non ah, !» Oui, ça va, ça va. Des petites vagues, un peu. Il faut les couper un peu plus au montage, peut-être. Mais peut-être qu'il y aurait un moyen de redensifier la chose. Et peut-être même au scénario, il y a peut-être des passages creux qui ne fonctionnent pas trop. Bref. Peut-être trop étendu dans le temps, je sais pas, dans l'espace. On sait pas. On fera une nouvelle proposition. En tout cas, 50% pour Rotten Tomatoes. Voilà. Bon, par contre, là, j'ai une question et cette fois-ci, je vais pas oublier de mettre le jingle pour la question. Attention, on juge pas trop ce jingle, c'est un recyclage d'un vieux jingle. Nouveau jingle quand même. Oui. Merci Paula. Avec plaisir. J'ai recyclé le jingle du quiz. What? Alors. Allez, question. J'ai une petite question. Tu n'es pas au courant en plus. Je me disais, parce que ce qu'on disait, c'est un peu la dernière fois où on va pouvoir parler de Tom Cruise et Nicole Kidman avant un bon moment, avant la chute finalement. On spoil complètement, mais c'est la chute. Ouais. Qu'est-ce qui fait que quand on regarde les films, à quoi on voit qu'ils se rapprochent? À quoi on voit qu'ils sont faits pour être ensemble et l'un avec l'autre. Ces films-là particulièrement ? Bah là, je t'en parle. On a deux films pour le dire, puisqu'on les a vus dans deux films, mais. C'est chaud, hein. Non, mais je me disais, en fait, parce que en les regardant jouer, tu vois l'alchimie et tu te rends compte qu'il y a des trucs tous les deux, en fait, qu'ils aiment. Le côté jouer de manière intense, un peu à fond, voire trop des fois. Tu vois, Nicole Kidman, elle a vachement ce truc de surjouer le truc, comme tu peux avoir Tom Cruise qui a le truc de se mettre à fond dedans et de un peu oublier d'avoir les yeux un peu, tu sais, un peu possédés. Et du coup, ils ont un peu ce truc-là, tous les deux, de pouvoir potentiellement jouer à bloc. Si tu les cadres pas, je pense qu'ils peuvent être complètement en roue libre, quoi. Là, moi, j'ai l'impression même que quand ils ont tourné des scènes, ils étaient à deux de rigoler. T'as presque l'impression qu'ils s'amusent trop, quoi. Ouais. Et du coup, t'es là, elle va rire. Et en fait, non. Je sais pas, il y a un truc. Ils sont joueurs. Très joueurs. Ouais, je pense qu'il y a ce truc-là de. Ils peuvent pas juste jouer comme un métier. Ils le vivent forcément, quoi, un peu. Ah bah ouais. Ah bah oui. Ah oui. Bah attends. Après, ils sont. Méthode acteur. Je sais pas s'ils ont fait Actor Studio. Les deux. Ah bah c'est sûr que Nicole Kidman, elle est à fond, quoi, là-dedans. Ouais, dans Eyes Wide Shut, quand elle pleure, quand il y a la scène où elle est à. On a l'impression qu'elle a pleuré. Il y a un journaliste qui lui a demandé « On a l'impression que vous avez pleuré pendant 2 heures. Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Eh ben, j'ai pleuré pendant 2 heures. » Juste avant de tourner la scène. C'est ça. Elle est aussi dingue que Tom Cruise, en fait. Dans ce genre-là, quoi. Ah oui, elle est à fond. Après, ils sont tous les deux très beaux. Ils sont très beaux. Et ils vont bien ensemble. Mais oui, non, mais je ne sais pas pourquoi ils sont... Maudite. On sait pas pourquoi. Il y a des rumeurs. Les extraterrestres qui auraient manipulé. C'était quand même les power couple et on comprend pourquoi. Il paraît que Tom Cruise quand même l'a beaucoup protégé des. C'est un peu des producteurs violeurs et tout ça. Ouais, mais en fait c'est ça aussi qui était des années après, Nicole Kidman parlait de leur mariage qui a fini par s'arrêter. Et elle disait qu'elle, avec le recul maintenant, se dit en fait, je me suis trop enfermée dans ce truc-là et je ne me suis pas ouvert à autre chose. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que j'ai en gros, entre guillemets, permis à Tom Cruise de me, de me garder, etc. Alors, ouais. Tu sais pas comment c'est... Alors, en même temps, quand elle en parle, quand tu lis les interviews, elle en parle avec beaucoup de respect, mais un truc un peu bizarre. C'est comme s'il y avait de l'emprise, mais qu'elle avait elle-même alimentée. C'est un peu fou. C'est très, très trouble. Ouais. Quand bah, en trucs, même temps, ils sont méga privés. Franchement, ouais. Elle dit un truc 30 ans après le divorce. Quoi. Jamais personne n'a parlé avant. Personne ne savait rien. C'est pour ça que tu avais toutes les rumeurs à l'époque privé, de « Oui, non, mais c'est ça, c'est à cause de ça, c'est pour ça. Non, mais c'est une couverture parce qu'en fait, il est homosexuel, machin. » Ouais, c'est Scientologie. C'est la Scientologie, tout ça. Enfin, il y a plein de... Bah, c'est le truc des stars. Hein. Les stars, tu ne sais pas exactement. Tu peux te faire des tonnes de films, tu ne sauras jamais parce qu'ils maîtrisent tout. En même temps, est-ce que ça devrait nous intéresser. Ah, pour comprendre la psyché de Tom Cruise. Oui, oui. C'est important, tu sais. Non, mais bien sûr, pour Tom Cruise, là, à l'occurrence, moi, je veux dire. Bon, bref. En tout cas, ils sont très beaux à l'écran. Voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est, ça marche. Ça, on peut dire que c'est un point commun. Ils Allez, sont beaux. Ils sont beaux et ils sont complices. Bon, bah, écoute. Ils sont fous. Et ils sont, ouais, ils sont possédés. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. Ben, on va clore un peu sur ça. Yeah. Petite recommandation, parce que je suis sûr que t'en as plein. Non. Ah, t'hésites. Ouais, non, j'en ai pas plein. J'ai pas vraiment. Je me suis dit un truc de Nicole Kidman, parce qu'on la verra pas pendant longtemps et elle a fait des super trucs. Ouais. J'avais envie de conseiller beaucoup des films d'elle. Il y a The Hours. Bon, elle a gagné l'Oscar, c'est vraiment très bien. The Others, les autres. Oui. Type horreur, vraiment très, très, très bien. Moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais vu au cinéma, mais j'avais beaucoup aimé. Mais surtout la série Big Little Lies, que j'ai vue dernièrement, et c'est vraiment bien. Bah, voilà. Elle l'a produite en plus, et elle a gagné, je crois, un Golden Globe ou un prix. Pof. Nicole, comme ça. Nicole, clac, clac, bonjour, clac. Je voudrais un prix, merci. Au revoir. OK. Voilà. Bah, pas mal. Voilà. Et toi ? Eh bien, moi, écoute, j'ai une recommandation, on va dire, assez évidente. C'est la série Downton Abbey. Je sais pas si tu vois. J'ai vu deux épisodes et tout. Eh ben, c'est génial. Bah, moi, me suis complètement fait avoir. Non, j'ai pas tout vu. Mais je me suis complètement fait avoir. Je pensais que c'était pas du tout être pour moi. Et en fait, c'est génial. Et c'est vraiment, c'est un peu la même période, du coup. Ça doit être, fin 19e, début 20e. Et c'est les mêmes principes. C'est à les riches qui ont le domaine et qui essaient de faire qu'il y ait de l'emploi sur leur terre, machin. Et puis ensuite, tu vas dans les souterrains, mais dans les sous-sols, et il y a tous les domestiques. Les servants, c'est ça, etc. Et cette espèce d'équilibre, en fait, qui est hyper important. En fait, il faut qu'il y ait les bourgeois, enfin les nobles et les servants. Et ils s'auto-alimentent les uns les autres. Il y a des histoires de celui qui était le chauffeur avant qui se tape la noble. Enfin, c'est que ça. Et c'est, du coup, le début du film, ça fait penser à ça. Quoi. C'est vrai, le truc. Et en plus, c'est pareil, il y a vachement les histoires en fond à Downton Abbey des révoltes de paysans irlandais. Et oui, parce que le chauffeur, il est irlandais. Le chauffeur, enfin, irlandais. J'ai quand même vu. T'as quand même vu le chauffeur irlandais. Non, mais j'en ai vu pas mal. Mais au bout d'un moment, t'es là. Non, il y a alors après, 9 saisons. Ils sont après, fous, c'est quoi, ça, en fait. C'est qu'il y a un moment où tu vois qu'ils sont arrivés un peu au bout et qu'ils recyclent les mêmes trucs. Mais ça, c'est le problème des séries, des fois, qui ne savent pas vraiment où vont aller. Mais c'est vrai que le début, il est pas mal. Mais du coup, ça m'a vachement fait penser à ça. Quoi. Ah, c'est marrant que t'as vu à Downton Abbey. Ah, je me suis fait avoir. Je pensais pas le regarder. Puis finalement. Trop bien. Et après, j'avais une autre recommandation parce que j'arrive pas à voir quand est-ce que je vais le caser. Je me suis fait avoir aussi hier, c'est quoi en préparant le podcast. J'ai regardé Ted Lasso. Je veux bien le voir. Ah, il a gagné pas mal de prix, non ? Oui, oui. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une pause, je vais me regarder un épisode, je sais pas ce que ça vaut, etc. Et en fait, j'ai tout regardé. Ah ouais. Il n'y a que 10 épisodes, du coup, et d'une demi-heure. Ça va vite, mais du coup, j'ai tout regardé. Et du coup, je cherchais un lien et j'ai trouvé un lien avec, pour pouvoir le recommander. Alors, c'est quoi les liens ? Eh bien, en fait, c'est le même principe, mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est un Américain qui arrive en Angleterre. Ah, tu vois, c'est un peu flou, mais c'est très ledge, mais bon, à la rigueur. Non, et puis après, t'as ce truc de choc de culture entre les Américains et les Anglais. Et l'histoire, globalement, je le raconte rapidement, même si c'est une fausse recommandation, mais. C'est qu'en fait, il y a un club de foot en Angleterre. Ils ont plus de coach et ils embauchent un coach américain. Sauf que lui, il coach du football, mais du football américain. Et ouais, c'est pas la même et chose. Il se retrouve et il ne connaît rien. Donc, première conférence de presse, on lui demande qu'est-ce que c'est un hors-jeu, qu'est-ce que c'est, combien il y a de joueurs, machin. Et il ne sait rien du tout. Donc, tout le monde est catastrophé à se dire mais on va jamais rien faire avec lui. Sauf que le mec, il est sympa, mais ultra sympa. Et il croit au fait d'être sympa. Donc, en fait, on va le voir interagir avec les joueurs, avec les dirigeants, etc. Et t'as tout un truc qui est hyper positif. Ah, et bien. En fait, c'est assez marrant de voir cette série qui est très drôle, sans se moquer, tu vois, sans faire de la caricature et tout, en essayant d'être toujours se moquer mais de tout le monde, et de toujours arriver à dénouer des trucs, de mettre des sentiments un peu complexes, et de toujours rester sur des notes hyper positives, sans entrer dans le mélo et dans les trucs un peu mielleux. D'accord. Et voilà, c'est assez surprenant que, en fait, ça marche bien. Je me suis fait avoir et j'ai fini en me disant, putain, mais en fait, ça marche super bien ce truc, ça fout la patate, et c'est plutôt bien fait. Voilà. Ouais, j'avais envie de le voir. Bon, maintenant je le vois. Voilà. Bravo. Ok. Bon, alors, du coup, ceci fait que nous avons terminé l'épisode. Je ne sais pas combien de temps on a fait. Je pense qu'on a un peu. On a un peu digressé. Là, on s'est un peu perdu, excusez-nous. Dans 2 semaines, on se retrouve. Parce que ça y est, on a repris le rythme comme il faut. On va se retrouver dans 2 semaines pour regarder, si je ne dis pas de bêtises, A Few Good Men, des hommes d'honneur. Yeah. Parler d'hommes et d'honneur, j'imagine. Pas vu. Tu l'as pas vu non plus. Et du coup, d'ici là, vous pouvez parler du podcast à tous les gens autour de vous. Si vous trouvez ça cool, si vous trouvez ça pas cool, on vous a donné des recommandations. Donc, ouais. Voilà. Vous nous retrouvez sur le site internet cruisecontrol.card.co. Card, C-A-2-R-D. Yeah. Voilà. On y vous arrive. Retrouvez sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre, nous envoyer des messages, des petits trucs, dire c'est bien, c'est pas bien, c'est cool, machin. Vous mettez des petites étoiles sur Apple, si je dis pas de bêtises. Apple Podcast. Apple. Voilà. Ouais. On est hébergé chez PodCloud, qui fait du travail d'hébergement de podcasts indépendants et de la promotion qui est super bien. Donc cool. On vous encourage à aller regarder. Ils ont un catalogue du coup de podcasts qui sont très très chouettes. Et puis, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait se raconter de plus? Rien. Non, bisous. Ouais, on va faire ça. On se dit des bisous et à dans 2 semaines. Ciao. Allez.